Chapitre 6e. Après 18 mois de lutte contre des souffrances et des contradictions sans nombre, nous étions enfin arrivés au terme de notre voyage, mais non pas au bout de nos misères. Nous n'avions plus, il est vrai, à redouter de mourir de faim ou de froid sur une terre inhabitée, mais des épreuves et des tribulations d'un autre genre allaient nous assaillir sans doute au milieu de ces populations infidèles, auxquelles nous voulions parler de Jésus mort sur la croix pour le salut des hommes. Après les peines physiques, c'était le tour des souffrances morales. Nous comptâmes encore, pour ces nouveaux combats, sur la bonté infinie du Seigneur. Nous espérâmes que celui qui nous avait protégés dans le désert contre les intempéries des saisons voudrait bien nous continuer sa divine assistance contre la malice des hommes au sein de la capitale du bouddhisme. Le lendemain de notre arrivée à Lhasa, nous prîmes un guide tibétain et nous parcourûmes les divers quartiers de la ville en quête d'un appartement à louer. Les maisons de Lhasa sont généralement grandes, à plusieurs étages, et terminées par une terrasse légèrement inclinée pour faciliter l'écoulement des eaux. Elles sont entièrement blanchies à l'eau de chaux, à l'exception de quelques bordures et des encadrements des portes et des fenêtres qui sont en rouge ou en jaune. Les bouddhistes réformés affectionnent spécialement ces deux couleurs. Elles sont, pour ainsi dire, sacrées à leurs yeux, et ils les nomment couleur lamaïque. Les habitants de Lhasa étant dans l'usage de peindre tous les ans leurs maisons, elles sont habituellement d'une admirable propreté et paraissent toujours bâties de fraîche date. Mais à l'intérieur, elles sont loin d'être en harmonie avec la belle apparence qu'elles offrent au dehors. Les appartements sont sales, enfumés, puants et encombrés de meubles et d'ustensiles répandus çà et là dans un désordre dégoûtant. Les habitations tibétaines sont en quelque sorte que de grands sépulcres blanchis, véritable image du bouddhisme et de toutes les fausses religions, qui ont toujours soin de recouvrir de certaines vérités dogmatiques et de quelques principes moraux la corruption et le mensonge qu'elles recèlent. Après de longues investigations, nous choisîmes enfin un tout petit logement qui faisait partie d'une grande maison où se trouvaient réunis une cinquantaine de locataires. Notre pauvre gîte était à l'étage supérieur. On y montait par 26 degrés en bois, dépourvu de rampe, est tellement raide et étroit que pour obvier au désagrément de se casser le cou, il était extrêmement prudent de s'aider des pieds et des mains. Notre appartement se composait d'une grande chambre carrée et d'un petit corridor auquel nous donnions le nom de cabinet. La chambre était éclairée au nord-est par une étroite fenêtre garnie de trois épais barreaux en bois et au zénith par une lucarne ronde percée au toit. Ce dernier trou servait à beaucoup de choses. D'abord, il donnait entrée au jour, au vent, à la pluie et à la neige. En second lieu, il laissait sortir la fumée qui s'élevait de notre foyer. Afin de se mettre à l'abri de la froidure de l'hiver, les Tibétains ont imaginé de placer, au milieu de leur chambre, un petit bassin en terre cuite où on fait brûler des argoles. Comme ce combustible est souvent sujet à répandre beaucoup plus de fumée que de chaleur, quand on a envie de se chauffer, on comprend tout l'avantage d'avoir une lucarne au-dessus de sa tête. Ce trou inappréciable nous donnait la possibilité d'allumer un peu de feu, sans courir risque d'être étouffé par la fumée. Il y avait bien dans tout cela le petit inconvénient de recevoir de temps à autre la pluie ou la neige sur son dos. Mais quand on a mené la vie nomade, on ne s'arrête pas à si peu de choses. La chambre avait pour ameublement deux pots de bouc étendus à droite et à gauche de notre plat à feu, puis de celle de cheval, notre tente de voyage, quelques vieilles paires de bottes, deux malles disloquées, trois robes déchirées suspendues à des clous, nos couvertures de nuit roulées les unes dans les autres, et une grande provision de boue sèche empilée dans un coin. Comme on voit, nous nous trouvions du premier coup tout à fait au niveau de la civilisation tibétaine. Le cabinet où s'élevait un magnifique fourneau en maçonnerie nous tenait lieu de cuisine et d'office. Nous y avions installé Samda Chemba, qui, après avoir résigné son emploi de chamelier, cumulait les fonctions de cuisinier, de maître d'hôtel et de palefrenier. Nos deux chevaux blancs étaient logés dans un recoin de la cour et se reposaient de leur pénible et glorieuse campagne en attendant l'occasion de passer à de nouveaux maîtres. Ces pauvres bêtes étaient tellement exténuées que nous ne pouvions convenablement les mettre en vente avant qu'il leur eût repoussé un peu de chair entre la peau et les os. Aussitôt que nous eûmes organisé notre maison, nous nous occupâmes de visiter en détail la capitale du Tibet et de faire connaissance avec ses nombreux habitants. Lhasa n'est pas une grande ville. Elle a tout au plus deux lieux de tour. Elle n'est pas enfermée, comme les villes de Chine, dans une enceinte de remparts. On prétend qu'autrefois elle en avait, mais qu'ils furent entièrement détruits dans une guerre que les Tibétains eurent à soutenir contre les Indiens du Bhoutan. Aujourd'hui, on n'en retrouve pas les moindres vestiges. En dehors des faubourgs, on voit un grand nombre de jardins plantés de grands arbres qui font à la ville un magnifique entourage de verdure. Les principales rues de Lhassa sont très larges, bien alignées et assez propres, du moins quand il ne pleut pas. Les faubourgs sont d'une saleté révoltante et inexprimable. Les maisons, comme nous l'avons déjà dit, sont généralement grandes, élevées et d'un bel aspect. Elles sont construites les unes en pierre, les autres en briques et quelques-unes en terre. Mais elles sont toujours blanchies avec tant de soin qu'elles paraissent avoir toutes la même valeur. Dans les faubourgs, il existe un quartier dont les maisons sont entièrement bâties avec des cornes de bœufs et de moutons. Ces bizarres constructions sont d'une solidité extrême et présentent à la vue un aspect assez agréable. Les cornes de bœufs étant lisses et blanchâtres, et celles des moutons étant au contraire noires et raboteuses, ces matériaux étranges se prêtent merveilleusement à une foule de combinaisons et forment sur les murs des dessins d'une variété infinie. Les interstices qui se trouvent entre les cornes sont remplis avec du mortier. Ces maisons sont les seules qui ne soient pas blanchies. Les Tibétains ont le bon goût de les laisser au naturel, sans prétendre rien ajouter à leur sauvage et fantastique beauté. Il serait superflu de faire remarquer que les habitants de Lhassa font une assez grande consommation de bœufs et de moutons. Leurs maisons en cornes en sont une preuve incontestable. Les temples bouddhiques sont les édifices les plus remarquables de Lhassa. Nous n'en ferons pas ici la description, parce qu'ils ressemblent tous à peu près à ceux dont nous avons déjà eu l'occasion de parler. Il y a seulement à remarquer qu'ils sont plus grands, plus riches et recouverts de dorures avec plus de profusion. Le palais du Dalai Lama mérite à tous égards la célébrité dont il jouit dans le monde entier. Vers la partie septentrionale de la ville et tout au plus à un quart d'heure de distance, il existe une montagne rocheuse peu élevée et de forme conique. Elle s'élève au milieu de cette large vallée, comme un îlot isolé au-dessus d'un immense lac. Cette montagne porte le nom de Buddhala, c'est-à-dire montagne de Bouddha, montagne divine. C'est sur ce socle grandiose, préparé par la nature, que les adorateurs du Dalai Lama ont édifié un palais magnifique où réside en chair et en os leur divinité vivante. Ce palais est une réunion de plusieurs temples de grandeur et de beauté différentes. Celui qui occupe le centre est élevé de 4 étages et domine tous les autres. Il est terminé par un dôme entièrement recouvert de lames d'or et entouré d'un grand péristyle dont les colonnes sont également dorées. C'est là que le Dalai Lama a fixé sa résidence. Du haut de ce sanctuaire élevé, il peut contempler, au jour des grandes solennités, ses adorateurs innombrables se mouvant dans la plaine et venant se prosterner au pied de la montagne divine. Les palais secondaires, groupés autour du grand temple, servent de demeure à une foule de lamas de tout ordre, dont l'occupation continuelle est de servir le Bouddha vivant et de lui faire la cour. De belles avenues bordées de grands arbres conduisent de Lhassa au Buddhala. On y voit toujours un grand nombre de pèlerins étrangers déroulant entre leurs doigts leur long chapelet bouddhique et des lamas de la cour revêtus d'habits magnifiques et montés sur des chevaux richement harnachés. Il règne continuellement aux alentours du Buddhala une grande activité, mais en général tout le monde y est grave et silencieux. Les pensées religieuses paraissent préoccuper tous les esprits. Dans l'intérieur de la ville, l'allure de la population offre un caractère tout différent. On crie, on s'agite, on se presse, et chacun s'occupe avec ardeur de vendre ou d'acheter. Le commerce et la dévotion attirent sans cesse à Lhassa un grand nombre d'étrangers et font de cette ville comme le rendez-vous de tous les peuples asiatiques. Les rues sont sans cesse encombrées de pèlerins et de marchands, parmi lesquels on remarque une étonnante variété de physionomies, de costumes et d'idiomes. Cette immense multitude est en grande partie flottante et se renouvelle tous les jours. La population fixe de Lhassa se compose de Tibétains, de Pébouns, de Kachi et de Chinois. Les Tibétains appartiennent à la grande famille qu'on a coutume de désigner par le nom de race mongole. Ils ont les cheveux noirs, la barbe peu fournie, les yeux petits et bridés, les pommettes des joues saillantes, le nez court, la bouche largement fendue et les lèvres amincies. Leur teint est légèrement basané. Cependant, dans la classe élevée, on trouve des figures aussi blanches qu'en Europe. Les Tibétains sont de taille moyenne. À l'agilité et à la souplesse des Chinois, ils joignent la force et la vigueur des Tartares. Les exercices gymnastiques, et surtout la danse, paraissent faire leur délice. Leur démarche est cadencée et pleine de légèreté. Quand ils vont dans les rues, on les entend fredonner sans cesse des prières ou des chants populaires. Ils ont de la générosité et de la franchise dans le caractère. Braves à la guerre, ils affrontent la mort avec courage. Ils sont aussi religieux mais moins crédules que les Tartares. La propreté est peu en honneur parmi eux, ce qui ne les empêche pas d'aimer beaucoup le luxe et les habits somptueux. Les Tibétains ne se rasent pas la tête. Ils laissent flotter leurs cheveux sur les épaules, se contentant de les raccourcir de temps en temps avec des ciseaux. Les élégants de Lhassa ont, depuis peu d'années, adopté la mode de les tresser à la manière des Chinois et d'attacher ensuite au milieu de leurs tresses des joyaux en or ornés de pierres précieuses et de grains de corail. Leur coiffure ordinaire est une toque bleue avec un large rebord en velours noir surmonté d'un pompon rouge. Au jour de fête, ils portent un grand chapeau rouge assez semblable pour la forme au béret basque. Il est seulement plus large et orné sur les bords de franges longues et touffues. Une large robe agrafée au côté droit par 4 crochets et serrée au rein par une ceinture rouge. Enfin, des bottes en drap rouge ou violet complètent le costume simple et pourtant assez gracieux des Tibétains. Ils suspendent ordinairement à leur ceinture un sac en taffetas jaune, renfermant leur inséparable écuelle de bois et 2 petites bourses de forme ovale et richement brodées, qui ne contiennent rien du tout et servent uniquement de parure. Les femmes tibétaines ont un habillement à peu près semblable à celui des hommes. Par-dessus leur robe, elles ajoutent une tunique courte et bigarrée de diverses couleurs. Elles divisent leurs cheveux en 2 tresses qu'elles laissent pendre sur leurs épaules. Les femmes de classe inférieure sont coiffées d'un petit bonnet jaune, assez semblable au bonnet de la liberté qu'on portait sous la République française. Les grandes dames ont, pour tout ornement de tête, une élégante et gracieuse couronne, fabriquée avec des perles fines. Les femmes tibétaines se soumettent dans leur toilette à un usage, ou plutôt à une règle incroyable, et sans doute unique dans le monde. Avant de sortir de leur maison, elles se frottent le visage avec une espèce de vernis noir et gluant, assez semblable à de la confiture de raisin. Comme elles ont pour but de se rendre laides et hideuses, elles répandent sur leur face ce fard dégoûtant à tort et à travers, et se barbouillent de manière à ne plus ressembler à des créatures humaines. Voici ce qui nous a été dit sur l'origine de cette pratique monstrueuse. Il y a près de 200 ans, le nommé Khan, ou la Marwa qui gouvernait le Tibet antérieur, était un homme rigide et de mœurs austères. À cette époque, les Tibétaines, pas plus que les femmes des autres contrées de la terre, n'étaient pas dans l'habitude de s'en laidir. Elles avaient au contraire, dit-on, un amour effréné du luxe et de la parure. De là naquirent des désordres affreux et une immoralité qui ne connut plus de bornes. La contagion gagna peu à peu la sainte famille des lamas. Les couvents bouddhiques se relâchèrent de leur antique et sévère discipline et furent travaillés d'un mal qui les poussait rapidement à une complète dissolution. Afin d'arrêter les progrès d'un libertinage qui était devenu presque général, le nommé Khan publia un édit par lequel il était défendu aux femmes de paraître en public à moins de se barbouiller la figure de la façon que nous avons déjà dite. De hautes considérations morales et religieuses motivaient cette loi étrange et menaçaient les réfractaires des peines les plus sévères et surtout de la colère et de l'indignation de Bouddha. Il fallut, sans contredit, un courage bien extraordinaire pour oser publier un édit semblable. Mais la chose la plus étonnante, c'est que les femmes se soient montrées obéissantes et résignées. La tradition n'a pas conservé le plus léger souvenir de la moindre insurrection, de la plus petite émeute. Conformément à la loi, les femmes se noircirent donc à outrance, se rendirent laides à faire peur, et l'usage s'est religieusement conservé jusqu'à ce jour. Il paraît que la chose est considérée maintenant comme un point de dogme, comme un article de dévotion. Les femmes qui se barbouillent de la manière la plus dégoûtante sont réputées les plus pieuses. Dans les campagnes, l'édit est observé avec scrupule, et de façon à ce que les censeurs ne puissent jamais y trouver rien à redire. Mais à Lhassa, il n'est pas rare de rencontrer dans les rues des femmes qui, au mépris des lois et de toutes les convenances, osent montrer en public leur physionomie non vernissée et telle que la nature la leur a donnée. Celles qui se permettent cette licence ont une très mauvaise réputation et ne manquent jamais de se cacher quand elles aperçoivent quelque agent de la police. On prétend que l'édit du Nomekan a fait un grand bien à la moralité publique. Nous n'avons aucune raison pour avancer positivement le contraire. Cependant, nous pouvons dire que les Tibétains sont bien loin d'être exemplaires sous le rapport des bonnes mœurs. Il existe parmi eux de grands désordres, et nous serions tentés de croire que le vernis le plus noir et le plus hideux est impuissant pour ramener à la vertu des peuples corrompus. Le christianisme est seul capable de retirer les nations païennes des vices honteux au milieu desquels elles croupissent. Une chose qui tendrait à faire croire que dans le Tibet, il y a peut-être moins de corruption que dans certaines autres contrées païennes, c'est que les femmes y jouissent d'une grande liberté. Au lieu de végéter emprisonnées au fond de leur maison, elles mènent une vie laborieuse et pleine d'activité. Outre qu'elles sont chargées des soins du ménage, elles concentrent entre leurs mains tout le petit commerce. Ce sont elles qui colportent les marchandises de côté et d'autre, les étalent dans les rues, et tiennent presque toutes les boutiques de détail. Dans la campagne, elles ont aussi une grande part aux travaux de la vie agricole. Les hommes, quoique moins laborieux et moins actifs que les femmes, sont loin pourtant de passer leur vie dans l'oisiveté. Ils s'occupent spécialement de la filature et du tissage des laines. Les étoffes qu'ils fabriquent portent le nom de poulou. Elles sont très étroites et d'une grande solidité. Leur qualité varie d'une manière étonnante. On trouve dans leur fabrique, depuis le drap le plus grossier et le plus velu, jusqu'au mérinos le plus beau et le plus fin qu'on puisse imaginer. D'après une règle de la réforme bouddhique, tous les lamas doivent être habillés de poulou rouge. Il s'en fait une grande consommation dans le Tibet, et les caravanes en emportent une quantité considérable dans le nord de la Chine et dans la Tartarie. Le poulou le plus grossier se vend à vil prix, mais celui qui est de qualité supérieure est d'une cherté excessive. Les bâtons d'odeur, si célèbres en Chine sous le nom de Tsangyang, parfum du Tibet, sont pour les habitants de Lhasa un objet de commerce assez important. On les fabrique avec la poudre de divers arbres aromatiques, auxquels on mélange du musc et de la poussière d'or. Avec tous ces ingrédients, on élabore une pâte de couleur violette qu'on moule ensuite en petits bâtons cylindriques ayant la longueur de 3 ou 4 pieds. On les brûle dans les lamaseries et devant les idoles qu'on honore dans l'intérieur des maisons. Quand ces bâtons d'odeur sont allumés, ils se consument lentement sans jamais s'éteindre et répandent au loin un parfum d'une douceur exquise. Les marchands tibétains qui se rendent tous les ans à Pékin à la suite de l'ambassade en exportent des quantités considérables et les vendent à un prix exorbitant. Les Chinois du Nord falsifient les bâtons d'odeur et les livrent au commerce sous le nom de Tsangyang, mais ils ne peuvent soutenir la comparaison avec ceux qui viennent du Tibet. Les Tibétains n'ont pas de porcelaine. Ils fabriquent néanmoins des poteries de tout genre avec une rare perfection. Comme nous l'avons déjà fait observer ailleurs, toute leur vaisselle consiste en une simple écuelle de bois que chacun porte cachée dans son sein ou suspendue à sa ceinture dans une bourse de luxe. Ces écuelles sont faites avec les racines de certains arbres précieux qui croissent sur les montagnes du Tibet. Elles sont de forme gracieuse, mais simple et sans ornement. On se contente de les enduire d'un léger vernis qui ne fait disparaître ni leur couleur naturelle, ni les marbrures formées par les veines du bois. Dans le Tibet tout entier, depuis le mendiant le plus misérable jusqu'au Dalai Lama, tout le monde prend ses repas dans une écuelle de bois. Il est vrai que les Tibétains ne confondent pas indistinctement les écuelles entre elles, comme nous serions tentés de le faire nous autres Européens. On doit donc savoir qu'il y a écuelles et écuelles. Il y en a qu'on achète pour quelques pièces de monnaie, et d'autres dont le prix va jusqu'à 111 d'argent, à peu près 1000 francs. Et si l'on nous demande quelle différence nous avons remarquée entre ces diverses qualités d'écuelles en bois, nous répondrons, la main sur la conscience, que toutes nous ont paru à peu près de la même valeur et qu'avec la meilleure volonté du monde, il nous a toujours été impossible de saisir entre elles une différence de quelque importance. Les écuelles de première qualité, disent les Tibétains, ont la vertu de neutraliser les poisons. Quelques jours après notre arrivée à Lhasa, désireux que nous étions de remonter un peu notre vaisselle, déjà bien vieille et bien avariée, nous entrâmes dans une boutique d'écuelles. Une tibétaine, au visage richement vernissé de noir, était au comptoir. Cette dame, jugeant à notre mine tant soit peu exotique et étrange que nous étions sans doute des personnages de haute distinction, ouvrit un tiroir et en exhiba 2 petites boîtes artistement façonnées, dans chacune desquelles était contenue une écuelle 3 fois enveloppée dans du papier soyeux. Après avoir examiné la marchandise avec une sorte d'anxiété, nous demandâmes le prix. « Chikla, gatsere, combien chaque ?»« Excellence, 50 onces d'argent la pièce. » À peine eûmes-nous entendu ces paroles foudroyantes, que nos oreilles se mirent à bourdonner et qu'il nous sembla que tout tournoyait dans la boutique. Avec toute notre fortune, nous eussions pu, tout au plus, acheter 4 écuelles en bois. Quand nous fûmes un peu revenus de notre saisissement, nous replaçâmes avec respect les 2 précieuses gamelles dans leurs boîtes respectives, et nous passâmes en revue les nombreuses collections qui étaient étalées sans façon sur les rayons de la boutique. « Et celle-ci, combien la pièce ? Chikla, gatsere ? Excellence, 1 paire pour 1 once d'argent. » Nous payâmes sur le champ 1 once d'argent, et nous emportâmes nos 2 écuelles avec une joie triomphante, car elles nous paraissaient absolument semblables à celles qui valaient 500 francs pièce. De retour au logis, le maître de la maison à qui nous nous hâtâmes de montrer notre emplette nous dit que pour 1 once d'argent, on pouvait avoir au moins 4 écuelles de cette façon. Les poules ou les bâtons odorants et les écuelles en bois sont les 3 principales branches d'industrie que les Tibétains exploitent avec quelque succès. Pour tout le reste, ils travaillent mal ou médiocrement, et les grossiers produits de leurs arts et métiers ne méritent pas d'être mentionnés. Leurs productions agricoles n'offrent non plus rien de remarquable. Le Tibet, presque entièrement recouvert de montagnes et sillonné de torrents impétueux, fournit à ses habitants peu de terres cultivables. Il n'y a guère que les vallées qu'on puisse ensemencer avec quelque espérance d'avoir une moisson à recueillir. Les Tibétains cultivent peu le froment, et encore moins le riz. La principale récolte est en tsinku, ou orge noire, dont on fait le tsamba, base alimentaire de toute la population tibétaine, riche ou pauvre. La ville de Lhasa est abondamment approvisionnée de moutons, de chevaux et de bœufs grognants. On y vend aussi d'excellents poissons frais et de la viande de porc dont le goût est exquis. Mais le plus souvent, tout cela est très cher et hors de la portée du bas peuple. En somme, les Tibétains vivent très mal. D'ordinaire, leur repas se compose uniquement de thé beurré et de tsamba, qu'on pétrit grossièrement avec les doigts. Les plus riches suivent le même régime, et c'est vraiment pitié de les voir façonner une nourriture si misérable dans une écuelle qui a coûté quelquefois 111 d'argent. La viande, quand on en a, se mange hors des repas. C'est une affaire de pure fantaisie. Cela se pratique à peu près comme ailleurs on mange par gourmandise des fruits ou quelques légères pâtisseries. On sert ordinairement 2 plats, l'un de viande bouillie et l'autre de viande crue. Les Tibétains dévorent l'une et l'autre avec un égal appétit, sans qu'il soit besoin qu'aucun genre d'assaisonnement leur vienne en aide. Ils ont pourtant le bon esprit de ne pas manger sans boire. Ils remplissent de temps en temps leur écuelle chérie d'une liqueur aigrelette, faite avec de l'orge fermentée et dont le goût est assez agréable. Le Tibet, si pauvre en produits agricoles et manufacturés, est riche en métaux au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. L'or et l'argent s'y recueillent avec une si grande facilité que les simples bergers eux-mêmes connaissent l'art de purifier ces métaux précieux. On les voit quelquefois au fond des ravins, aux anfractuosités des montagnes, accroupis à côté d'un feu d'argole de chèvre et s'amusant à purifier dans des creusets la poudre d'or qu'ils ont recueillie çà et là en faisant paître leurs troupeaux. Il résulte de cette grande abondance de métaux que les espèces sont de peu de valeur et par suite, les denrées se maintiennent toujours à un prix très élevé. Le système monétaire des Tibétains ne se compose que de pièces d'argent. Elles sont un peu plus grandes, mais moins épaisses que nos pièces d'un franc. D'un côté, elles portent des inscriptions en caractère tibétain, farci ou indien. De l'autre, elles ont une couronne composée de 8 petites fleurs rondes. Pour la facilité du commerce, on fractionne ces pièces de monnaie de telle sorte que le nombre des fleurettes restant sur le fragment détermine sa valeur. La pièce entière se nomme chanka. Le chepche est une moitié du chanka et par conséquent n'a que 4 fleurettes. Le chokang en a 5 et le kagan 3. Dans les grandes opérations commerciales, on se sert de lingots d'argent qu'on pèse avec une balance romaine graduée d'après le système décimal. Les Tibétains comptent le plus souvent sur leur chapelet. Quelques-uns, et surtout les marchands, se servent du swan pan chinois. Les savants, enfin, opèrent avec les chiffres que nous nommons arabes et qui paraissent être très anciens dans le Tibet. Nous avons vu plusieurs livres lamaïques manuscrits renfermant des tableaux et des figures astronomiques représentées avec des chiffres arabes. La pagination de ces livres était pareillement marquée avec ces mêmes caractères. Quelques-uns de ces chiffres ont, avec ceux dont on se sert en Europe, une légère différence. La plus notable est celle du chiffre 5, qui se trouve renversé, la tête en bas. D'après les quelques détails que nous venons de donner sur les productions du Tibet, il est permis de conclure que ce pays est peut-être le plus riche et en même temps le plus pauvre du monde. Riche en or et en argent, pauvre en tout ce qui fait le bien-être des masses. L'or et l'argent, recueillis par le peuple, est absorbé par les grands, et surtout par les lamaseries, réservoirs immenses, où s'écoulent par 1000 canaux toutes les richesses de ces vastes contrées. Les lamas, mis d'abord en possession de la majeure partie du numéraire par les dons volontaires des fidèles, centuplent ensuite leur fortune par des procédés usuraires dont la friponnerie chinoise est elle-même scandalisée. Les offrandes qu'on leur fait sont comme des crochets dont ils se servent pour attirer à eux toutes les bourses. L'argent se trouvant ainsi accumulé dans les coffres des classes privilégiées, et d'un autre côté, les choses nécessaires à la vie ne pouvant se procurer qu'à un prix très élevé, il résulte de ce désordre capital qu'une grande partie de la population est continuellement plongée dans une misère affreuse. À Lhassa, le nombre des mendiants est très considérable. Ils entrent dans l'intérieur des maisons et vont de porte en porte solliciter une poignée de tsamba. Leur manière de demander l'aumône consiste à présenter le poing fermé en tenant le pouce en l'air. Nous devons ajouter, à la louange des Tibétains, qu'ils ont généralement le cœur compatissant et charitable. Rarement, ils renvoient les pauvres sans leur faire quelque aumône. Parmi les étrangers qui constituent la population fixe de Lhassa, les Pébounes sont les plus nombreux. Ce sont des Indiens venus du côté du Bhoutan, par-delà les monts Himalaya. Ils sont petits, vigoureux et d'une allure pleine de vivacité. Ils ont la figure plus arrondie que les Tibétains, leur teint est fortement basané, leurs yeux sont petits, noirs et malins. Ils portent au front une tache de rouge ponceau qu'ils renouvellent tous les matins. Ils sont toujours vêtus d'une robe en poulou violet et coiffés d'un petit bonnet en feutre, de la même couleur mais un peu plus foncé. Quand ils sortent, ils ajoutent à leur costume une longue écharpe rouge qui fait deux fois le tour du cou comme un grand collier et dont les deux extrémités sont rejetées par-dessus les épaules. Les Pébounes sont les seuls ouvriers métallurgistes de Lhassa. C'est dans leur quartier qu'il faut aller chercher les forgerons, les chaudronniers, les plombiers, les étameurs, les fondeurs, les orfèvres, les bijoutiers, les mécaniciens, même les physiciens et les chimistes. Leurs ateliers et leurs laboratoires sont un peu souterrains. On y entre par une ouverture basse et étroite, et avant d'y arriver, il faut descendre 3 ou 4 marches. Sur toutes les portes de leur maison, on voit une peinture représentant un globe rouge et au-dessous un croissant blanc. Évidemment, cela signifie le soleil et la lune. Mais à quoi cela fait-il encore allusion? C'est ce dont nous avons oublié de nous informer. On rencontre parmi les Pébounes des artistes très distingués en fait de métallurgie. Ils fabriquent des vases en or et en argent pour l'usage des lamaseries et des bijoux de tout genre, qui certainement ne feraient pas déshonneur à des artistes européens. Ce sont eux qui font au temple bouddhique ces belles toitures en lames dorées qui résistent à toutes les intempéries des saisons et conservent toujours une fraîcheur et un éclat merveilleux. Ils sont si habiles pour ce genre d'ouvrage qu'on vient les chercher du fond de la Tartarie pour orner les grandes lamaseries. Les Pébounes sont encore les teinturiers de Lhassa. Leurs couleurs sont vives et persistantes. Leurs étoffes peuvent s'user mais jamais se décolorer. Il ne leur est permis de teindre que les poulous. Les étoffes, qui viennent des pays étrangers, doivent être employées telles qu'elles sont. Le gouvernement s'oppose absolument à ce que les teinturiers exercent sur elles leur industrie. Il est probable que cette prohibition a pour but de favoriser le débit des étoffes fabriquées à Lhassa. Les Pébounes ont le caractère extrêmement jovial et enfantin. Au moment de repos, on les voit toujours rire et folâtrer. Pendant les heures de travail, ils ne cessent jamais de chanter. Leur religion est le bouddhisme indien. Quoiqu'ils ne suivent pas la réforme de Tsongkhapa, ils sont pleins de respect pour les cérémonies et les pratiques lamaïques. Ils ne manquent jamais, aux jours de grande solennité, d'aller se prosterner aux pieds du Bouddha et d'offrir leurs adorations au Dalai Lama. Après les Pébounes, on remarque à Lhassa les Kachi, ou musulmans originaires de Cachemire. Leurs turbans, leurs grandes barbes, leurs démarches graves et solennelles, leur physionomie pleine d'intelligence et de majesté, la propreté et la richesse de leurs habits, tout en eux contraste avec les peuples de races inférieures auxquels ils se trouvent mêlés. Ils ont à Lhassa un gouverneur duquel ils dépendent immédiatement et dont l'autorité est reconnue par le gouvernement tibétain. Ce gouverneur est en même temps chef de la religion musulmane. Ses compatriotes le considèrent, sur cette terre étrangère, comme leur pacha et leur moufti. Il y a déjà plusieurs siècles que les Khatchis se sont établis à Lhasa. Autrefois, ils abandonnèrent leur patrie pour se soustraire aux vexations d'un certain pacha de Cachemire, dont le despotisme leur était devenu intolérable. Depuis lors, les enfants de ces premiers émigrants se sont si bien trouvés dans le Tibet qu'ils n'ont plus songé à s'en retourner dans leur pays. Ils ont pourtant encore des relations avec Cachemire. Mais les nouvelles qu'ils en reçoivent sont peu propres à leur donner l'envie de renoncer à leur patrie adoptive. Le gouvernement Khatchi, avec lequel nous avons eu des relations assez intimes, nous dit que les Pélins de Calcutta, les Anglais, étaient aujourd'hui maîtres de Cachemire. « Les Pélins, nous disait-il, sont les hommes les plus rusés du monde. Ils s'emparent petit à petit de toutes les contrées de l'Inde, mais c'est toujours plutôt par tromperie qu'à force ouverte. Au lieu de renverser les autorités, ils cherchent habilement à les mettre de leur parti et à les faire entrer dans leurs intérêts. Ainsi, à Cachemire, voici ce qu'ils disent. « Le monde est à Allah, la terre est au Pacha, c'est la compagnie qui gouverne. » Les Khatchis sont les plus riches marchands de Lhasa. Ce sont eux qui tiennent les magasins de lingerie et tous les objets de luxe et de toilette. Ils sont en outre agents de change et trafiquent sur l'or et l'argent. De là vient qu'on trouve presque toujours des caractères farcis sur les monnaies tibétaines. Tous les ans, quelques-uns d'entre eux se rendent à Calcutta pour des opérations commerciales. Les Khatchis sont les seuls à qui l'on permette de passer les frontières pour se rendre chez les Anglais. Ils partent munis d'un passeport du Dalai Lama et une escorte tibétaine les accompagne jusqu'au pied des Himalayas. Les objets qu'ils rapportent de Calcutta se réduisent à bien peu de choses. Ce sont des rubans, des galons, des couteaux, des ciseaux, quelques autres articles de quincaillerie et un petit assortiment de toiles de coton. Les soieries et les draps qu'on trouve dans leurs magasins et qui ont à Lhasa un assez grand débit leur viennent de Pékin par les caravanes. Les draps sont russes et par conséquent leur reviennent à bien meilleur marché que ceux qu'ils pourraient acheter à Calcutta. Les Khatchis ont à Lhasa une mosquée et sont rigides observateurs de la loi de Mahomet. Ils professent ostensiblement leur mépris pour toutes les pratiques superstitieuses des bouddhistes. Les premiers qui sont arrivés à Lhasa ont pris des femmes tibétaines qui ont été obligés de renoncer à leur religion pour embrasser le mahométisme. Maintenant, ils ont pour règle de ne plus contracter des alliances qu'entre eux. Il s'est ainsi formé insensiblement au cœur du Tibet, comme un petit peuple à part, n'ayant ni le costume, ni les mœurs, ni le langage, ni la religion des indigènes. Parce qu'ils ne se prosternent pas devant le Dalai Lama et ne vont pas prier dans les lamaseries, tout le monde dit que ce sont des impies. Cependant, comme en général ils sont riches et puissants, on se range dans les rues pour les laisser passer et chacun leur tire la langue en signe de respect. Dans le Tibet, quand on veut saluer quelqu'un, on se découvre à la tête, on tire la langue et on se gratte l'oreille droite. Ces trois opérations se font en même temps. Les Chinois qu'on voit à Lhasa sont pour la plupart soldats ou employés dans les tribunaux. Ceux qui demeurent fixés dans cette ville sont en très petit nombre. À toutes les époques, les Chinois et les Tibétains ont eu ensemble des relations plus ou moins importantes. Souvent, ils se sont fait la guerre et ont cherché à empiéter sur les droits des autres. La dynastie tartare-mandchoue, comme nous l'avons déjà remarqué ailleurs, a compris, dès le commencement de son élévation, combien il lui était important de se ménager l'amitié du Dalai Lama, dont l'influence est toute puissante sur les tribus mongoles. En conséquence, elle n'a jamais manqué d'avoir à la cour de Lhasa deux grands mandarins revêtus du titre de Kinchai, c'est-à-dire ambassadeurs ou délégués extraordinaires. Ces personnages ont pour mission avouée de présenter, dans certaines circonstances déterminées, les hommages de l'empereur chinois au Dalai Lama et de lui prêter l'appui de la Chine dans les difficultés qu'il pourrait avoir avec ses voisins. Tel est, en apparence, le but de cette ambassade permanente. Mais au fond, elle n'est là que pour flatter les croyances religieuses des Mongols et les rallier à la dynastie régnante en leur faisant croire que le gouvernement de Pékin a une grande dévotion pour la divinité du Bouddha Allah. Un autre avantage de cette ambassade, c'est que les deux Kinchai peuvent facilement, à Lhasa, surveiller les mouvements des peuples divers qui avoisinent l'Empire et en donner avis à leur gouvernement. La 35e année du règne de Qianlong, la cour de Pékin avait à Lhasa deux Kinchai ou ambassadeurs, nommés l'un Lo et l'autre Pu. On avait coutume de les désigner en réunissant les noms et en disant les kinchai lopu. Le mot lopu, voulant dire rave en tibétain, ce terme devenait en quelque sorte injurieux, et le peuple de Lhasa, qui n'a jamais vu de bon œil la présence des Chinois dans le pays, se servait volontiers de cette dénomination. Depuis quelque temps d'ailleurs, les deux mandarins chinois donnaient, par leur conduite, de l'ombrage aux Tibétains. Ils s'immisçaient tous les jours, de plus en plus, dans les affaires du gouvernement et empiétaient ouvertement sur les droits du Dalai Lama. Enfin, pour comble d'arrogance, ils faisaient entrer de nombreuses troupes chinoises dans le Tibet, sous prétexte de protéger le Dalai Lama contre certaines peuplades du Népal, qui lui donnaient de l'inquiétude. Il était facile de voir que la Chine cherchait à étendre son empire et sa domination jusque dans le Tibet. L'opposition du gouvernement tibétain fut, dit-on, terrible, et le nomé Khan employa tous les ressorts de son autorité pour arrêter l'usurpation des deux Kinchai. Un jour qu'il se rendait au palais des ambassadeurs chinois, un jeune lama lui jeta dans sa litière un billet sur lequel étaient écrits ces mots « Lopu ma sa », c'est-à-dire « Ne mangez pas de rave, abstenez-vous des raves ». Le nommé Khan comprit bien que par ce jeu de mots, on voulait lui donner avis de se défier des Kinchai et Lopu. Mais comme l'avertissement manquait de clarté et de précision, il continua sa route. Pendant qu'il était en conférence secrète avec les deux délégués de la cour de Pékin, des satellites s'introduisirent brusquement dans l'appartement, poignardèrent le nommé Khan et lui tranchèrent la tête. Un cuisinier tibétain, qui se trouvait dans une pièce voisine, accourut au cri de la victime, s'empara de sa tête ensanglantée, l'ajusta au bout d'une pique et parcourut les rues de Lhasa en criant « Vengeance, mort aux Chinois !» La ville tout entière fut aussitôt soulevée, on courut aux armes de toutes parts et l'on se précipita tumultueusement vers le palais des Kinchai, qui furent horriblement mis en pièces. La colère du peuple était si grande qu'on poursuivit ensuite indistinctement tous les Chinois. On les traqua partout comme des bêtes sauvages, non seulement à Lhasa, mais encore sur tous les autres points du Tibet où ils avaient établi des postes militaires. On fit une affreuse boucherie. Les Tibétains, dit-on, ne déposèrent les armes qu'après avoir impitoyablement poursuivi et massacré tous les Chinois jusqu'aux frontières du Sichuan et du Yunnan. La nouvelle de cette affreuse catastrophe étant parvenue à la cour de Pékin, l'empereur Qinliang ordonna immédiatement de grandes levées de troupes dans toute l'étendue de l'empire et les fit marcher contre le Tibet. Les Chinois, comme dans presque toutes les guerres qu'ils ont eues à soutenir contre leurs voisins, eurent le dessous, mais ils furent victorieux dans les négociations. Les choses furent rétablies sur l'ancien pied et depuis lors, la paix n'a jamais été sérieusement troublée entre les deux gouvernements. Les forces militaires que les Chinois entretiennent dans le Tibet sont peu considérables. Depuis le Sichuan jusqu'à Lhasa, ils ont, d'étape en étape, quelques misérables corps de garde destinés à favoriser le passage des courriers de l'empereur. Dans la ville même de Lhasa, leur garnison se compose de quelques centaines de soldats dont la présence contribue à relever et à protéger la position des ambassadeurs. De Lhasa, en allant vers le sud jusqu'au Bhoutan, ils ont encore une ligne de corps de garde assez mal entretenue. Sur les frontières, ils gardent, conjointement avec les troupes tibétaines, les hautes montagnes qui séparent le Tibet des premiers postes anglais. Dans les autres parties du Tibet, il n'y a pas de Chinois. L'entrée leur est sévèrement interdite. Les soldats et les mandarins chinois établis dans le Tibet sont à la solde du gouvernement de Pékin. Ils restent ordinairement 3 ans dans le pays. Quand ce temps est écoulé, on leur envoie des remplaçants et ils rentrent dans leurs provinces respectives. Il en est pourtant un certain nombre qui, après avoir terminé leur service, obtiennent la permission de se fixer à Lhasa ou dans les villes situées sur la route de Sichuan. Les Chinois de Lhasa sont peu nombreux. Il serait assez difficile de dire à quel genre de spécialité ils se livrent pour faire fortune. En général, ils sont un peu de tous les états et savent toujours trouver 1000 moyens pour faire passer dans leur bourse les Chanka des Tibétains. Il en est plusieurs qui prennent une épouse dans le pays, mais les liens du mariage sont incapables de les fixer pour la vie dans leur patrie adoptive. Après un certain nombre d'années, quand ils jugent qu'ils ont fait des économies assez abondantes, ils s'en retournent tout bonnement en Chine et laissent là leurs femmes et leurs enfants, à l'exception toutefois des garçons qu'ils auraient scrupule d'abandonner. Les Tibétains redoutent les Chinois, les Kachis les méprisent et les Pébouns se moquent d'eux. Parmi les nombreuses classes d'étrangers qui séjournent ou qui ne font que passer à Lhassa, il n'y en avait aucune à laquelle nous eussions l'air d'appartenir. Nous ne ressemblions à personne. Aussi, dès les premiers jours de notre arrivée, nous aperçûmes-nous que l'étrangeté de notre physionomie attirait l'attention de tout le monde. Quand nous passions dans les rues, on nous examinait avec étonnement et puis on faisait à voix basse de nombreuses hypothèses sur notre nationalité. On nous prenait tantôt pour deux mouftis nouvellement arrivés de Cachemire, tantôt pour deux brahmanes de l'Inde. Quelques-uns prétendaient que nous étions des lamas du nord de la Tartarie, d'autres enfin soutenaient que nous étions des marchands de Pékin et que nous nous étions déguisés pour suivre l'ambassade tibétaine. Mais toutes ces suppositions s'évanouirent bientôt, car nous déclarâmes formellement au Kachi que nous n'étions ni mouftis ni cachemiriens, au Péboun que nous n'étions ni indiens ni brahmanes, aux Mongols que nous n'étions ni lamas ni tartares, aux Chinois que nous n'étions ni marchands ni du royaume du milieu. Quand on fut bien convaincu que nous n'appartenions à aucune de ces catégories, on se mit à nous appeler Hadzara Blanc. La dénomination était très pittoresque et nous plaisait assez. Cependant, nous ne voulûmes pas l'adopter sans prendre par avance quelques informations. Nous demandâmes donc ce qu'on entendait par Hadzara Blanc. Il nous fut répondu que les Hadzara étaient les plus fervents adorateurs de Bouddha qu'on connût, qu'ils composaient une grande tribu de l'Inde et qu'ils faisaient souvent par dévotion le pèlerinage de Lhassa. On ajouta que puisque nous n'étions ni Tibétains, ni Kachi, ni Péboun, ni Tartare, ni Chinois, nous devions certainement être Hadzara. Il y avait seulement à cela un petit embarras. C'est que les Hadzara qui avaient paru avant nous à Lhassa avaient la figure noire. On avait donc dû, pour résoudre la difficulté, nous appeler Hadzara Blanc. Nous rendîmes encore hommage à la vérité et nous déclarâmes que nous n'étions Hadzara d'aucune façon, ni blanc ni noir. Tous ces doutes, sur le lieu de notre origine, furent d'abord assez amusants, mais ils devinrent bientôt graves et sérieux. Des esprits mal tournés allèrent s'imaginer que nous ne pouvions être que russes ou anglais. On finit même assez généralement par nous honorer de cette dernière qualification. On disait, sans trop se gêner, que nous étions des Pélins de Calcutta, que nous étions venus pour examiner les forces du Tibet, dresser des cartes de géographie et chercher les moyens de nous emparer du pays. Tout préjugé national à part, il était très fâcheux pour nous qu'on nous prît pour des sujets de Sa Majesté britannique. Un pareil quiproquo ne pouvait que nous rendre très impopulaires et peut-être eût fini par nous faire écarteler. Car les Tibétains, nous ne savons trop pourquoi, se sont mis dans la tête que les Anglais sont un peuple envahisseur et dont il faut se méfier. Pour couper court à tous les bavardages qui circulaient sur notre compte, nous prîmes la résolution de nous conformer à un règlement en vigueur à Lhassa et qui prescrit à tous les étrangers qui veulent séjourner dans la ville pendant quelque temps d'aller se présenter aux autorités. Nous allâmes donc trouver le chef de la police et nous lui déclarâmes que nous étions du ciel d'Occident, d'un grand royaume appelé la France, et que nous étions venus dans le Tibet pour y prêcher la religion chrétienne dont nous étions ministres. Le personnage à qui nous fîmes cette déclaration fut sec et impassible comme un bureaucrate. Il tira flegmatiquement son poinçon de bambou de derrière l'oreille et se mit à écrire, sans réflexion aucune, ce que nous venions de lui dire. Il se contenta de répéter deux ou trois fois entre les dents les mots France et religion chrétienne, comme un homme qui ne sait pas trop de quoi on veut lui parler. Quand il eut achevé d'écrire, il essuya à ses cheveux son poinçon encore imbibé d'encre et le réinstalla derrière l'oreille droite en nous disant « Yak poré, c'est bien. « Temuchu, demeure en paix, » lui répondîmes-nous. Et après lui avoir tiré la langue, nous sortîmes tout enchantés de nous être mis en règle avec la police. Nous circulâmes dès lors dans les rues de Lhassa d'un pas plus ferme, plus assuré et sans tenir aucun compte des propos qui bourdonnaient incessamment à nos oreilles. La position légale que nous venions de nous faire nous relevait à nos propres yeux et remontait notre courage. Quel bonheur de nous trouver enfin sur une terre hospitalière et de pouvoir respirer franchement un air libre, après avoir vécu si longtemps en Chine, toujours dans la contrainte, toujours en dehors des lois, toujours préoccupé des moyens de tricher le gouvernement de Sa Majesté impériale. La sorte d'indifférence avec laquelle notre déclaration fut reçue par l'autorité tibétaine ne nous étonna nullement. D'après les informations que nous avions déjà prises sur la manière d'être des étrangers à Lhassa, nous étions convaincus qu'il ne nous serait fait aucune difficulté. les Tibétains ne professent pas, à l'égard des autres peuples, ces principes d'exclusion qui font le caractère distinctif de la nation chinoise. Tout le monde est admis à Lhasa, chacun peut aller et venir, se livrer au commerce et à l'industrie, sans que personne s'avise d'apporter la moindre entrave à sa liberté. Si l'entrée du Tibet est interdite aux Chinois, il faut attribuer cette prohibition au gouvernement de Pékin, qui, pour se montrer conséquent dans sa politique étroite et soupçonneuse, empêche lui-même ses sujets de pénétrer chez les peuples voisins. Il est probable que les Anglais ne seraient pas plus repoussés que les autres des frontières du Tibet si leur marche envahissante dans l'Hindoustan n'avait inspiré une légitime terreur aux Dalai Lama. Nous avons déjà parlé des nombreuses et frappantes analogies qui existent entre les rites lamaïques et le culte catholique. Rome et Lhasa, le pape et le Dalai Lama, pourraient encore nous fournir des rapprochements pleins d'intérêt. Le gouvernement tibétain étant purement lamaïque, paraît, en quelque sorte, être calqué sur le gouvernement ecclésiastique des États pontificaux. Le Dalai Lama est le chef politique et religieux de toutes les contrées du Tibet. C'est dans ses mains que réside toute puissance législative, exécutive et administrative. Le droit coutumier et certains règlements, laissés par Tsongkhapa, servent à le diriger dans l'exercice de son immense autorité. Quand le Dalai Lama meurt, ou pour parler le langage des bouddhistes, quand il transmigre, on élit un enfant qui doit continuer la personnification indestructible du Bouddha vivant. Cette élection se fait par la grande assemblée des lamas Hutuktu, dont la dignité sacerdotale n'est inférieure qu'à celle du Dalai Lama. Plus bas, nous entrerons dans quelques détails sur la forme et les règles de cette singulière élection. Comme le Dalai Lama est non seulement le souverain politique et religieux des Tibétains, mais encore leur dieu visible, on comprend qu'il ne pourrait, sans compromettre gravement sa dignité, descendre des hauteurs de son sanctuaire et se mêler à tout propos des choses humaines. Il s'est donc réservé les affaires de majeure importance, se contentant de régner beaucoup et de gouverner très peu. Au reste, l'exercice de son autorité dépend uniquement de son goût et de son bon plaisir. Il n'y a ni charte ni constitution pour contrôler sa manière de faire. Après le Dalai Lama, que les Tibétains nomment aussi quelquefois Kyongam Rinpoche, le souverain trésor, vient le Nomekan ou empereur spirituel. Les Chinois lui donnent le nom de Tsongwang, roi du Tibet. Ce personnage est nommé par le Dalai Lama et doit être toujours choisi parmi la classe des lamas chaperons. Il conserve son poste pendant toute sa vie et ne peut être renversé que par un coup d'État. Toutes les affaires du gouvernement dépendent du Nomekan et de quatre ministres nommés les Kalons. Les Kalons sont choisis par le Dalai Lama sur une liste de candidats formés par le Nomekan. Ils n'appartiennent pas à la tribu sacerdotale et peuvent être mariés. La durée de leur pouvoir est illimitée. Quand ils se rendent indignes de leurs fonctions, le Nomekan adresse un rapport au Dalai Lama qui les casse s'ils le jugent opportun. Les fonctionnaires subalternes sont choisis par les Kalons et appartiennent le plus souvent à la classe des Lamas. Les provinces sont divisées en plusieurs principautés qui sont gouvernées par les Lamas Hutuktu. Ces espèces de petits souverains ecclésiastiques reçoivent leur investiture du Dalai Lama et reconnaissent son autorité suzeraine. En général, ils ont l'humeur guerroyante et se livrent souvent, entre voisins, des combats à outrance et toujours accompagnés de pillages et d'incendies. Le plus puissant de ces lamas souverains est le Bonchon Rinpoche. Il réside à Jashi Lumbo, capitale du Tibet ultérieur. Cette ville est située au sud de Lhasa et n'en est éloignée que de 8 journées de marche. La célébrité du Bonchon actuel est prodigieuse. Ses partisans prétendent que sa puissance spirituelle est aussi grande que celle du Dalai Lama et que le sanctuaire de Jashi Lumbo ne le cède pas en sainteté à celui du Bouddha Allah. On admet pourtant généralement que la puissance temporelle du Dalai Lama est supérieure à celle du Bonchon Rinpoche. Une grande rivalité ne peut manquer de se déclarer tôt ou tard entre Lhasa et Jashi Lumbo et de jeter les Tibétains dans de funestes divisions. Le Bonchon Rinpoche actuel est âgé d'une 60aine d'années. Il est, dit-on, d'une belle et majestueuse taille et d'une vigueur étonnante pour son âge déjà avancé. Ce singulier personnage se dit d'origine indienne. Il y a déjà quelques années que sa première incarnation eut lieu dans le célèbre pays des Hazaras. Les physionomistes, qui dès notre arrivée à Lhasa nous prenaient pour des Hazaras blancs, ne manquèrent pas de nous engager vivement à faire un voyage de dévotion à Jashilumbo, nous assurant qu'en notre qualité de compatriotes du Bonchon Rinpoché, nous en serions très bien reçus. Les lamas érudits, qui occupent des généalogies bouddhiques, expliquent comme quoi le Bonchon, après de nombreuses et merveilleuses incarnations dans l'Indostan, a fini par apparaître dans le Tibet ultérieur et par fixer sa résidence à Jashilumbo. Quoi qu'il en soit de sa biographie, à laquelle, fort heureusement, nous sommes dispensés d'ajouter foi, il est certain que cet habile lama a su se donner une vogue vraiment étonnante. Les Tibétains, les Tartares et autres bouddhistes ne l'appellent jamais que le grand saint et ne prononcent son nom qu'en joignant les mains et en levant les yeux au ciel. Ils prétendent que sa science est universelle. Il sait parler, disent-ils, toutes les langues de l'univers sans les avoir jamais étudiées et peut converser avec les pèlerins de toutes les parties du monde. Les Tartares ont une foi si vigoureuse en sa puissance qu'ils l'invoquent continuellement. Dans les dangers, dans les afflictions, dans toutes les affaires pénibles et ardues, ils ont toujours à la bouche le nom magique de Bokhté, saint. Les pèlerins qui se rendent dans le Tibet ne manquent jamais de visiter Jashilumbo, d'aller se prosterner aux pieds du saint par excellence et de lui présenter leurs offrandes. On ne saurait se faire une idée des sommes énormes que les caravanes tartares lui apportent annuellement. En retour des lingots d'or et d'argent qu'il enferme dans ses coffres, le Bonchon fait distribuer à ses adorateurs des lambeaux de ses vieux habits, des chiffons de papier où sont imprimés des sentences en mongol ou en tibétain, des statuettes en terre cuite et des pilules rouges d'une infaillible efficacité contre toute espèce de maladie. Les pèlerins reçoivent avec vénération toutes ces niaiseries et les déposent religieusement dans un sachet qu'ils portent toujours suspendu à leur cou. Ceux qui font le pèlerinage de Jashilumbo, séculiers ou lamas, hommes ou femmes, tout le monde se fait enrôler dans la confrérie des Kélans, instituée par le Bonchon Rinpoché. Presque tous les bouddhistes aspirent au bonheur de devenir membres de cette association qui pourra fort bien un jour faire naître dans la Haute-Asie quelques graves événements. Tous les esprits, du reste, sont vivement préoccupés et pressentent pour l'avenir une grande catastrophe. Voici quelles sont les étranges prophéties qui circulent à ce sujet. Quand le saint de Jashilumbo, quand le Bonchon Rinpoché sera mort, il ne transmigrera plus comme par le passé dans le Tibet ultérieur. Sa nouvelle incarnation ira s'opérer au nord de Lhasa, dans les steppes habitées par les Uriangai, dans le pays nommé Tienchan Pelu, entre les montagnes célestes et les chaînes de l'Altai. Pendant qu'il demeurera là quelques années inconnues, se préparant par la retraite, la prière et les bonnes œuvres aux grands événements de l'avenir, la religion de Bouddha ira s'affaiblissant dans tous les cœurs. Elle ne vivra plus qu'au sein de la confrérie des Kélans. Dans ces jours malheureux, les Chinois deviendront influents dans le Tibet. Ils se répandront sur les montagnes et dans les vallées et chercheront à s'emparer de l'empire du Dalai Lama. Mais cela ne durera que peu de temps. Il y aura un soulèvement général. Les Tibétains prendront les armes et massacreront dans une seule journée tous les Chinois jeunes et vieux, sans qu'il soit donné un seul de repasser les frontières. Un an après cette sanglante journée, l'empereur chinois mettra sur pied de nombreux bataillons et les fera marcher contre les Tibétains. Il y aura une réaction épouvantable, le sang coulera à flot, les torrents en seront rougis et les Chinois finiront par s'emparer du Tibet. Mais ce triomphe ne sera pas de longue durée. C'est alors que le Bonchon Rinpoché manifestera sa puissance. Il fera un appel à tous les Kélans de la Sainte Association, ceux qui seront déjà morts reviendront à la vie, ils se rendront tous ensemble dans une vaste plaine de Tienchan Pelu. Là, le Bonchon distribuera des flèches et des fusils à tout le monde et fera de cette multitude une armée formidable dont il prendra lui-même le commandement. La confrérie des Kélans marchera à la suite du saint par excellence et se précipitera sur les Chinois qui seront taillés en pièces. Le Tibet sera conquis, puis la Chine, puis la Tartarie, puis le vaste empire des oraux. Le Bonchon sera proclamé souverain universel, et sous sa sainte influence, le lamaïsme refleurira bientôt, des lamaseries superbes s'élèveront de toutes parts, et le monde entier reconnaîtra la puissance infinie des prières bouddhiques. Ces prédictions, dont nous nous contentons de donner un simple résumé, sont racontées par tout le monde en détail et dans les plus petites circonstances. Mais ce qu'il y a de bien étonnant, c'est que personne ne paraît douter de la certitude des événements qu'elles annoncent. Chacun en parle comme d'une chose certaine et indubitable. Les Chinois résidant à Lhassa semblent également ajouter foi à la prophétie, mais ils ont le bon esprit de ne pas trop s'en tracasser. Ils espèrent que la débâcle arrivera fort tard, que d'ici là ils seront peut-être morts ou que du moins ils auront le temps de la voir venir. Pour ce qui est du Bonchan Rinpoche, il se prépare, dit-on, avec ardeur, à cette grande révolution dont il doit être l'âme. Quoique déjà avancé en âge, il se livre souvent à des exercices militaires. Tous les instants de la journée qui ne sont pas absorbés par ses hautes fonctions de Bouddha vivant, il les utilise en se familiarisant à son futur métier de généralissime des Kelan. On prétend qu'il lance très bien une flèche, et qu'il se sert avec habileté de la lance et du fusil à mèche. Il nourrit deux grands troupeaux de chevaux pour sa future cavalerie et des meutes de chiens énormes qui, joignant une force prodigieuse à une intelligence supérieure, devront jouer un rôle important dans la grande armée des Kelan. Ses idées folles et extravagantes ont tellement pénétré dans les masses, et surtout dans l'esprit de ceux qui se sont enrôlés dans la confrérie des Kelan, qu'elles pourraient fort bien un jour occasionner une révolution dans le Tibet. Ce n'est jamais vainement que les peuples se préoccupent ainsi de l'avenir. Après la mort du grand lama de Jashi Lumbo, un aventurier audacieux n'aura qu'à se rendre dans le Tianchan Pelu, puis se proclamer hardiment Bonchan Rinpoche et faire appel au Kelan. Il n'en faudra peut-être pas davantage pour soulever ces populations fanatiques. Un résultat actuel et immédiat de cette confrérie des Kelan, c'est de donner au Bonchan Rinpoche une importance qui paraît porter peu à peu atteinte à la suprématie du Dalai Lama. Ce résultat est d'autant plus facile à obtenir que le souverain de Lhassa est un enfant de 9 ans et que ses 3 prédécesseurs ont expiré de mort violente avant d'atteindre leur majorité fixée par les lois à 20 ans. Le Bonchan Rinpoche, qui paraît être un homme habile et ambitieux, n'aura pas manqué sans doute d'utiliser cette période de 4 minorités et de confisquer à son profit une partie de l'autorité spirituelle et temporelle du Dalai Lama. La mort violente des 3 Dalai Lamas, prédécesseur immédiat de celui qui règne aujourd'hui, a donné naissance dans l'année 1844 à un événement dont le Tibet, la Tartarie et la Chine même se sont vivement préoccupés et qui, à cause de son importance, mérite peut-être qu'on en dise ici quelque chose. Le phénomène inouï de 3 Dalai Lamas morts successivement à la fleur de l'âge avait plongé la population de Lhassa dans une morne consternation. Peu à peu, de sourdes rumeurs commencèrent à circuler, et bientôt on fit entendre publiquement les mots de crime et d'assassinat. La chose alla si loin qu'on racontait dans les rues de la ville et dans les lamaseries toutes les circonstances de ces funestes événements. On disait que le premier Dalai Lama avait été étranglé, le second écrasé par la toiture de sa chambre à coucher, et le troisième empoisonné avec ses nombreux parents qui étaient venus s'établir à Lhassa. Le lama supérieur de la grande lamaserie de Kaldan, qui était très dévoué au Dalai Lama, avait aussi subi le même sort. La voix publique désignait le nommé Khan comme auteur de tous ces attentats. Les 4 ministres n'en doutaient nullement et connaissaient toute la vérité. Mais ils se trouvaient dans l'impuissance de venger la mort de leur souverain. Ils étaient trop faibles pour lutter contre le nommé Khan, qui était soutenu par des amis nombreux et puissants. Ce nommé Khan était si fan, originaire de la principauté de Yongtutse, dans la province du Kansu. La suprême dignité de Tutse était héréditaire dans sa famille, et un grand nombre de ses parents établis à Lhassa depuis plusieurs générations exerçaient une grande influence sur les affaires du Tibet. Le nommé Khan de Yongtutse était encore bien jeune quand il fut investi d'une autorité qui ne le cédait qu'à celle du Dalai Lama. On prétend que peu d'années après son élévation au pouvoir, il manifesta ses sentiments ambitieux et un désir effréné de domination. Il usa de ses grandes richesses et de l'influence de ses parents pour s'entourer d'une clientèle qui lui fut entièrement dévouée. Il s'appliqua spécialement à se créer des partisans parmi la classe des lamas. et dans ce but, il prit sous sa protection immédiate la fameuse lamazerie de Serra, située à une demi-lieue de Lhasa et comptant plus de 15 000 religieux bouddhistes. Il la combla de ses faveurs, lui accorda des privilèges et des revenus immenses, et fit placer dans les diverses administrations un grand nombre de ses créatures. Les lamas de Serra ne manquèrent pas de s'enthousiasmer pour le nommé Khan. Ils le regardèrent comme un saint du premier ordre et firent de ses perfections une nomenclature aussi étendue et aussi pompeuse que la nomenclature des perfections de Bouddha. Appuyé sur le parti puissant qu'il avait su se ménager, le nommé Khan ne mit plus de borne à ses projets de domination. Ce fut alors qu'il fit périr successivement 3 jeunes Dalai Lamas afin de conserver entre ses mains le pouvoir de régent. Tel était le nommé Khan de Yangtou Tse, ou du moins, c'est ainsi qu'il nous fut représenté durant notre séjour à Lhasa. Il n'était pas aisé, comme on voit, de renverser un personnage dont la puissance était si solidement étayée. Les ministres Kalon, ne pouvant combattre ouvertement le nommé Khan, qu'avec la perspective de succomber dans la lutte, prirent le parti de dissimuler et de travailler néanmoins en secret à la ruine de cet homme exécrable. L'assemblée des Hutuktu élut un nouveau Dalai Lama, ou plutôt désigna l'enfant dans le corps duquel l'âme du Bouddha vivant avait transmigré. Il fut intronisé au sommet du Bouddhala. Le nommé Khan, comme tous les autres dignitaires, alla se prosterner à ses pieds, l'adora très dévotement, mais sans doute se promettant bien in petto de le faire transmigrer une 4e fois quand il le jugerait opportun. Les Kalan prirent secrètement des mesures pour prévenir une nouvelle catastrophe. Ils s'entendirent avec le Bachan Rembuchi de Jashilumbo, et il fut convenu que pour arrêter les projets infâmes du nommé Khan, il fallait lui opposer la puissance irrésistible de l'empereur de Chine. Une requête fut donc rédigée et signée par le Bachan et les 4 Kalan, puis envoyée secrètement à Pékin par l'ambassade de 1844. Pour 3 raisons principales, le gouvernement de Pékin ne pouvait se dispenser d'accorder aux Tibétains la protection qu'ils lui demandaient en cette grave circonstance. D'abord, la dynastie tartare mandchou s'était solennellement déclarée protectrice du Dalai Lama. En second lieu, le nommé Khan, en tant qu'originaire de Yangtou Tse dans la province du Kangsu, était en quelque sorte justiciable de l'empereur chinois. Enfin, politiquement parlant, c'était pour la cour de Pékin une excellente occasion d'établir son influence dans le Tibet et d'y réaliser ses projets d'usurpation. La requête envoyée à Pékin par le Bachan Rembuchi et les 4 Kalon fut reçue avec toute la faveur désirable. On songea aussitôt à faire partir pour Lhasa un ambassadeur d'une énergie et d'une prudence capable de renverser la puissance du nommé Khan. L'empereur jeta les yeux sur le mandarin Qichan et le chargea de cette mission difficile. Avant d'aller plus loin, il ne sera peut-être pas superflu de faire connaître ce Qichan, personnage très célèbre en Chine, et qui a joué un rôle important dans l'affaire des Anglais à Canton. Qichan est tartare mandchou d'origine. Il a commencé sa carrière par être écrivain dans un des 6 grands tribunaux de Pékin. Sa rare capacité ne tarda point à le faire remarquer, et quoiqu'il fût encore bien jeune, il monta rapidement les divers degrés de la magistrature. À l'âge de 22 ans, il était gouverneur de la province du Honan. À 25 ans, il en fut vice-roi, mais il fut dégradé de cette charge pour n'avoir pas su prévoir et arrêter un débordement du fleuve Jaune qui causa de grands désastres dans la province qui lui avait été confiée. Sa disgrâce ne dura pas longtemps. Il fut réintégré dans sa dignité première et envoyé tour à tour en qualité de vice-roi dans les provinces du Chantong, du Sichuan et du Pechéli. Il fut décoré du globule rouge, de la plume de paon et de la tunique jaune avec le titre de Yehouye, prince impérial. Enfin, il fut nommé Chungtang, dignité la plus grande à laquelle un mandarin puisse jamais prétendre. On ne compte que 8 Chungtang dans l'empire, 4 mandchous et 4 chinois. Ils composent le conseil intime de l'empereur et ont le droit de correspondre directement avec lui. Vers la fin de 1839, Qichan fut envoyé à Canton en qualité de vice-roi de la province et avec le titre de commissaire impérial. Il avait tout pouvoir pour traiter au nom de son gouverneur avec les Anglais et rétablir la paix qui avait été troublée par les mesures folles et violentes de Lin, son prédécesseur. Ce qui fait le plus grand éloge de la capacité de Qichan, c'est qu'à son arrivée à Canton, il reconnut l'immense supériorité des Européens sur les Chinois et comprit qu'une guerre était impossible. Il entra donc sur le champ, en négociation avec M. Elliot, plénipotentiaire anglais, et la paix fut conclue, moyennant la cession de la petite île de Hong Kong. Pour cimenter la bonne harmonie qui venait de s'établir entre l'empereur Tao Kwang et la reine Victoria, Qichan donna aux autorités anglaises un magnifique festin, auquel eut l'honneur d'assister M. de Rosamel, commandant de la corvette la Danaïde, arrivé depuis peu de jours dans la rade de Macao. Tout le monde fut enchanté des bonnes grâces et de l'amabilité du commissaire impérial. Quelques jours étaient à peine écoulés que les intrigues ourdies à Pékin par l'ancien commissaire impérial Lin réussirent à faire casser par l'empereur le traité qu'on venait de conclure à Canton. Qichan fut accusé de s'être laissé corrompre par l'or des Anglais et d'avoir vendu au diable marin le territoire du Céleste Empire. L'empereur lui envoya une lettre foudroyante qui le déclarait digne de mort et lui donnait ordre de se rendre immédiatement à Pékin. Le pauvre commissaire impérial n'eut pas la tête tranchée comme tout le monde s'y attendait. L'empereur, dans sa paternelle mansuétude, lui fit grâce de la vie et se contenta de le dégrader de tous ses titres, de lui retirer toutes ses décorations, de confisquer ses biens, de raser sa maison, de faire vendre ses femmes à l'encan et de l'envoyer en exil au fond de la Tartarie. Les amis nombreux et influents que Qichan avait à la cour ne l'abandonnèrent pas dans son malheur. Ils travaillèrent avec courage et persévérance à le faire rentrer dans les bonnes grâces de l'empereur. En 1844, il fut enfin rappelé de son exil et envoyé à Lhassa en qualité de délégué extraordinaire pour traiter l'affaire du nommé Khan. Il partit décoré du globule bleu au lieu du rouge qu'il portait avant sa chute. On lui rendit la plume de paon, mais le privilège de porter la tunique jaune lui fut encore interdit. Ses amis de Pékin se cotisèrent et lui firent bâtir à leurs frais une magnifique maison. Le poste de Qinchai, au milieu des montagnes du Tibet, était encore considéré comme un exil, mais c'était un acheminement vers une glorieuse et complète réhabilitation. Aussitôt après son arrivée à Lhassa, Qichan se concerta avec le Banchan Rinpoché et les quatre Kalon et fit arrêter le nommé Khan. Ensuite, il fit subir un interrogatoire à toutes les personnes attachées au service de l'accusé, et afin de les aider à déclarer la vérité, il leur fit enfoncer sous les ongles de longues aiguilles en bambou. Par ce moyen, comme disent les Chinois, la vérité fut séparée de l'erreur, et la conduite du nommé Khan fut manifestée au grand jour. Ce malheureux avoua lui-même ses crimes, sans qu'il fût besoin de le soumettre à la question. Il se reconnut coupable d'avoir arraché trois vies au Dalai Lama et de l'avoir fait transmigrer violemment, la première fois par strangulation, la deuxième par suffocation et la troisième par empoisonnement. Un procès-verbal fut dressé en chinois, en tartare et en tibétain. Le nommé Khan et ses complices le signèrent. Le Banchan Rinpoché, les quatre Kalon et l'ambassadeur chinois y apposèrent leur sceau et il fut immédiatement envoyé à Pékin par un courrier extraordinaire. Tout cela se fit à huis clos et dans le plus grand secret. Trois mois après, la capitale du Tibet était plongée dans une affreuse agitation. On voyait placardé au grand portail du palais du nommé Khan et dans les rues principales de la ville un édit impérial en trois langues sur papier jaune et avec des bordures représentant des dragons ailés. Après de hautes considérations sur les devoirs des rois et des souverains grands et petits, après avoir exhorté les potentats, les monarques, les princes, les magistrats et les peuples des quatre mers à marcher dans les sentiers de la justice et de la vertu, sous peine d'encourir la colère du ciel et l'indignation du grand Khan, l'empereur rappelait les crimes du nommé Khan et le condamnait à un exil perpétuel sur les bords du Sakhalin Oula, au fond de la Mandchourie. À la fin était la formule d'usage « qu'on tremble et qu'on obéisse ». Les habitants de Lhassa se portèrent avec empressement vers ces placards étranges qu'ils n'étaient pas accoutumés de voir sur les murs de leur ville. La nouvelle de la condamnation du nommé Khan se répandit avec rapidité parmi la multitude. Des groupes nombreux se formèrent, où l'on discutait avec feu mais à voix basse. Les figures étaient animées, et de tous côtés s'élevait un frémissement sourd et presque silencieux. L'agitation qui régnait parmi le peuple tibétain avait moins pour objet la chute méritée du nommé Khan que l'intervention de l'autorité chinoise, intervention dont tout le monde se sentait froissé et humilié. À la lamazerie de Serra, l'opposition se manifesta avec une tout autre énergie. Aussitôt qu'on y eut connaissance de l'édit impérial, l'insurrection fut spontanée et générale. Ces 15 000 lamas, qui étaient tous dévoués à la cause du nommé Khan, s'armèrent précipitamment de lances, de fusils, de bâtons, de tout ce qu'ils purent rencontrer, et se précipitèrent sur Lhassa, dont ils n'étaient éloignés que d'une demi-lieue. Les épais nuages de poussière qu'ils soulevaient dans leur course désordonnée et les épouvantables clameurs qu'ils faisaient entendre annoncèrent leur arrivée aux habitants de Lhassa. « Les lamas de Serra ! Voici les lamas de Serra !» Tel fut le cri qui retentit presque en même temps dans la ville entière et qui porta l'effroi dans tous les cœurs. Les lamas fondirent comme une avalanche sur la résidence de l'ambassadeur chinois et en firent voler les portes en éclats au cri mille fois répété de « Mort à Kichan, mort aux Chinois !» Mais ils ne trouvèrent personne sur qui ils pussent faire tomber leur colère. L'ambassadeur, prévenu à temps de leur arrivée, avait couru se cacher chez un calonne, et les gens de sa suite s'étaient dispersés dans la ville. La multitude des lamas se divisa alors en plusieurs troupes. Les uns se portèrent au palais du nommé Khan, et les autres envahirent la demeure des calonnes, demandant à grands cris qu'on leur livrât l'ambassadeur chinois. Il y eut sur ce point une lutte longue et acharnée, dans laquelle un des 4 ministres tibétains fut mis en lambeaux. Les autres reçurent des blessures plus ou moins dangereuses. Pendant qu'on se battait chez les calonnes pour s'emparer de la personne de Kichan, la troupe la plus nombreuse des lamas avait enfoncé les portes de la prison où était enfermé le nommé Khan et voulait le porter en triomphe jusqu'à la lamazerie de Serra. Le nommé Khan s'opposa vivement à ce projet et usa de toute son influence pour calmer l'exaltation des lamas. Il leur dit que leur révolte inconsidérée aggravait sa position au lieu de l'améliorer. « Je suis, leur dit-il, victime d'une conspiration. J'irai à Pékin, j'éclairerai l'empereur, et je reviendrai triomphant au milieu de vous. Maintenant, nous n'avons qu'à obéir au décret impérial. Je partirai selon ce qu'il m'a été ordonné. Vous autres, rentrez en paix dans votre lamazerie. » Ces paroles ne changèrent pas la résolution des lamas, mais la nuit venant à tomber, ils reprirent tumultuairement le chemin de Serra, se promettant bien de mieux organiser leur plan pour le lendemain. Quand le jour parut, les lamas commencèrent à s'agiter dans leur immense couvent et se préparèrent à envahir de nouveau la ville de Lhassa. Mais à leur grand étonnement, ils aperçurent dans la plaine, aux environs de la lamazerie, des tentes nombreuses et une multitude de soldats tibétains et chinois armés jusqu'aux dents et qui leur barraient le passage. À cette vue, tous les courages s'évanouirent. La conque marine se fit entendre et ces soldats improvisés, jetant bas les armes, rentrèrent dans leurs cellules, prirent leurs livres sous le bras et se rendirent tranquillement au chœur pour réciter, selon l'usage, les prières du matin. Quelques jours après, le nommé Khan, accompagné d'une bonne escorte, prit la route du Sichuan et s'achemina comme un mouton vers l'exil qui lui avait été assigné. On n'a jamais bien compris à Lhassa comment cet homme, qui n'avait pas reculé devant le meurtre de 3 Dalai Lamas, n'avait pas voulu profiter de l'insurrection des lamas de Serra. Il est certain que, d'un seul mot, il eût pu anéantir tous les Chinois qui se trouvaient à Lhassa et peut-être mettre en feu le Tibet tout entier. Mais le nommé Khan n'était pas trempé pour un pareil rôle. Il avait la lâche énergie d'un assassin et non l'audace d'un séditieux. Kichan, enivré de son triomphe, voulut étendre son pouvoir jusque sur les Tibétains complices du nommé Khan. Cette prétention ne fut pas du goût des calonnes, qui lui déclarèrent qu'à eux seuls appartenait le droit de juger des gens qui ne dépendaient en rien de la Chine et contre lesquels on n'avait pas demandé la protection de l'empereur. Le Kinchai n'insista point, mais pour ne pas avoir l'air de céder aux autorités tibétaines, il leur répondit officiellement qu'il leur abandonnait ces assassins de bas étage parce qu'il ne valait pas la peine qu'un représentant du grand empereur se mêlât de leur affaire. Un nouveau nommé Khan a été mis à la place de l'exilé. On a choisi pour cette charge éminente le chaperon de la lamazerie de Ranchan, jeune homme de 18 ans. Le Dalai Lama et le nouveau nommé Khan étant mineurs, à l'époque où nous arrivâmes à Lhassa, la régence était confiée au premier Khalon. Toute la sollicitude du régent consistait à élever des digues contre les empiétements et les usurpations de l'ambassadeur chinois qui cherchait, par tous les moyens, à profiter de la faiblesse dans laquelle se trouvait le gouvernement tibétain.